Parmi les poètes du XVIIe siècle, que je propose maintenant à votre attention, vous ne trouverez ni La Fontaine, ni les grands poètes dramatiques, Corneille, Racine, Molière. Vous les trouverez sous leur propre nom, dans d'autres fichiers. Vous trouverez par contre, dans les quelques enregistrements qui suivent, certains poètes qui ne vous sont pas inconnus, tels Malherbe et encore plus Boileau, mais d'autres aussi, tels Racan, Théophile Deviau, Saint-Amand ou Scudéry, qui ont laissé à la postérité quelques petits bijoux. Commençons par trois poèmes de Malherbe.